Bonjour à tous, bienvenue dans Podcast Science, épisode numéro 19. Bonjour professeur Fon. Salut Mathieu. Bonjour Antoine. Salut Mathieu. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas entendu, Antoine, non? Ah oui, ça fait bah avec les vacances et tout Et tout, ça. ouais, ça fait un bon mois qu'on ne s'est pas entendu, mais tant mieux, on est tous de retour. Là, les trois pour un super podcast. Alors aujourd'hui, on a pas mal de dossiers. Moi, je voulais commencer par parler juste d'une nouvelle de Google qu'on a vu passer cette semaine qui s'appelle le Google Science Fair. Donc, c'est une initiative de Google en partenariat avec le CERN, la société Lego, le National Geographic et le magazine Scientific American. Et en fait, c'est un événement qui propose aux étudiants entre 13 et 18 ans de soumettre un projet scientifique et espérer remporter des bourses d'études dont la plus importante s'élève à 50 000 dollars. Et les gagnants pourront aussi gagner un voyage dans les îles Galapagos organisé par National Geographic Expedition. Et aussi la possibilité de passer 3 jours dans les bureaux du magazine American Scientific et 3 jours éventuellement au centre de recherche de Google à Zurich ou encore 5 jours au CERN à Genève et aussi chez Lego. Donc, ben voilà, j'ai trouvé une initiative sympa de Google pour essayer de promouvoir la science chez les jeunes. Je sais pas si vous l'avez vu passer, non? On a un petit peu parlé avant l'émission, vous aussi, non? Cette initiative. Ah oui, Ouais. on l'a vu, je crois qu'on l'a tous, en tant que passionnés de science, vu. Franchement, je suis vraiment jaloux d'avoir dépassé la date limite. On est trop vieux là Donc, pour participer. là, même moi, je suis trop vieux, donc, donc voilà quoi. Mais à l'époque, je ne savais pas s'il y avait déjà des choses comme ça, mais là, c'est vraiment une opportunité. Donc pour ceux qui nous écoutent, les plus jeunes, hein, donc foncez, hein, parce Donc ouais, les que. inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 avril de cette année 2011. On peut se présenter seul ou par équipe de 3, de 2 ou de 3, donc jusqu'à 3 personnes maximum. Tout se passe en ligne, donc tout se passe via le site qu'on mettra sur Podcast Science, donc le site où on peut publier les projets. Moi, le seul petit inconvénient que je vois, c'est que tout semble être en anglais. Donc, pour les jeunes qui ne sont pas forcément anglophiles et anglophones, ça peut peut-être être un frein. Mais voilà. Mais je crois que il faut le but c'est d'envoyer une vidéo, hein, c'est ça? Non, alors il y a tout un dossier à présenter. Je crois qu'on peut Ah joindre une ouais. vidéo, mais il faut aussi par écrit présenter un peu son projet et tout. D'accord. Ouais, donc c'est vrai que ça handicape beaucoup les non-anglophones. Mais bon. Ouais. Bon, en même temps, l'anglais est la langue de la science. J'imagine que les scientifiques en herbe doivent au moins avoir quelques notions, non? Quelques notions, ouais, bien sûr. Ouais, en tout cas pour être assez scientifique pour gagner ça, ouais, je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est des acharnés comme nous, ou pire que nous, qui s'en foutent un peu de l'anglais, quoi, tranquille. Donc voilà, on voulait juste citer cet événement qu'on trouve sympa de la part de Google. On mettra le lien sur le site. Et sans transition, on va passer au dossier. Alors, pour commencer, c'est Antoine qui a un sacré dossier. Tu m'as bien surpris d'ailleurs quand j'ai vu ce dont tu voulais parler. Donc, c'est les paradoxes temporels. Un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, je vais t'écouter avec impatience. Donc, je suis tout ouïe. Ouais, Allez, moi ben aussi, j'adore c'est aussi les parti. paradoxes temporels. Ouais. Pour une fois, je vais le dire peut-être, préparer l'aspirine, quoi. D'accord. On sait jamais. Non, en fait, bon, les paradoxes temporels, donc c'était un sujet que nous a proposé notre ami Christophe, donc sur la page de Facebook de Podcast Science. Donc voilà, ben, j'ai vu ça et ça fait tilt. Le geek en moi a ressurgi et donc j'ai fait quelques petites recherches. Donc, alors avant même de définir alors les paradoxes, ces paradoxes, il faut d'abord s'interroger sur la notion du temps. En fait, le temps, qu'est-ce que c'est concrètement? Et je vous rassure parce qu'il y a bon nombre de scientifiques, philosophes et religieux de toute époque, hein, qui se sont cassés les dents sur cette énigme. À votre avis, le temps, c'est quoi? Alors, ça tombe bien parce que Ah. est-ce que tu connais Étienne Klein, c'est un physicien français assez connu et qui a beaucoup parlé sur le temps. Et il avait dit une fois une chose qui m'avait marqué. Il avait dit justement, on perçoit tous le temps ce que c'est, mais personne n'est capable de le définir. Et c'est assez juste, je trouve. Ouais, donc pour vous résumer, alors le fruit de leur réflexion, hein, ces millénaires de réflexion, le temps serait alors la somme des états successifs de notre univers. Ok? Ok, Donc ouais, c'est une vision. ouais, c'est une vision quoi. On peut alors se représenter ce temps par une flèche orientée qui va d'avant qui va de l'avant, d'avant à l'après, qui passe par le maintenant. Et cette flèche, elle est orientée. Et ouais, et contrairement à l'espace où l'on peut avancer ou reculer, le temps semble aller dans un seul sens, du passé vers le futur. Enfin, du moins, c'est la perception qu'on en a tous. Ouais. Ouais. Alors, gardez bien ça en tête parce qu'on en aura besoin pour la suite. Alors, après avoir appréhendé la notion de temps, les curieux se sont demandé si on pouvait voyager sur cette flèche. Alors maintenant, il faut choisir, bien sûr, un sens. Aller soit dans le futur ou dans le passé. Alors, dans le futur, ce qui est fascinant, c'est que Einstein et sa théorie de la relativité restreinte nous a prouvé que c'était possible, déjà. C'est déjà ça. Il faut juste un vaisseau capable d'approcher la vitesse de la lumière. Donc, c'est hors de notre portée pour l'instant. Mais un jour, peut-être, on pourra aller dans le futur. Mais les choses se corsent quand on essaye de voyager dans le passé, en fait. Les choses se corsent parce que c'est principalement dû à ces fameux paradoxes temporels. Alors, on va d'abord les citer. On a d'une part le paradoxe du grand-père et d'autre part le paradoxe de l'écrivain. Alors, ces deux paradoxes mettent vraiment à mal la possibilité d'effectuer un voyage dans le passé. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Quoi. Alors, premièrement, le paradoxe du grand-père. Alors, pour les auditeurs, imaginez que vous êtes un chrononaute ou un voyageur temporel et qu'il vous vient à l'idée d'aller dans le passé pour, par exemple, tuer votre grand-père. Ouais. Tuer votre grand-père avant qu'il ne rencontre votre grand-mère. Alors, conséquence à ça, vous ne seriez alors jamais né, ce qui semble logique. Mais si vous n'êtes jamais né, vous n'êtes jamais allé tuer votre grand-père dans le passé. Ouais, forcément. Forcément, vous voyez le. Donc ça nous amène alors à une situation qui est logique et qui aboutit à une solution qui est absurde. Alors là, c'est la nature même du paradoxe. Vous suivez jusque-là, ça va? Ouais, jusque-là, ça va. Ouais, voilà. Alors, on va parler d'un petit exemple. Alors, un exemple très célèbre de paradoxe du grand-père, c'est dans le film Retour vers le futur. Ouais, je pense que vous l'avez vu. Je crois qu'on l'a tous vu, ouais. Ouais, Un vu, film archivu, mythique, on donc. l'a tous vu, exactement, Ouais, c'est archi pour vu ça comme film. que j'ai choisi, quoi. Alors, donc, le héros, Marty McFly, retourne à l'époque du bal de fin d'année de ses parents, là où ses parents se rencontrent. Mais, malheureusement, pour que le film arrive, quoi, le héros, il compromet cette rencontre. Et donc, il ne devrait alors plus exister. C'est le paradoxe du grand-père. Et là, dans le film, on le voit, il commence à s'effacer. Donc voilà, quoi. Donc, parfait exemple du paradoxe du grand-père. Donc, avant de voir les solutions envisageables pour résoudre ce paradoxe, on va s'intéresser au second, qui est, je trouve, un peu plus délicat, c'est le paradoxe de l'écrivain. Je Alors, t'interromps juste 2 secondes. oui? On entend un bruit. Je sais pas si Professeur Fon, tu l'entends aussi. Ouais, c'est vrai, je l'entends aussi, Il vient de ouais. chez toi, comme si tu grattais quelque chose. Non? Un Oui, bruit? ce bruit-là. Alors, Voilà. là, c'est mieux? Voilà. Ah, Voilà, ouais. parfait. Ouais, c'est classe. Désolé, désolé, c'était mon fil qui a frotté sur le micro. C'est pour ça. Alors, oui, donc, oui, où j'en étais? Oui, le paradoxe de l'écrivain. Donc, là, maintenant, il faut imaginer autre chose. Vous imaginez que vous êtes un écrivain, comme son nom l'indique, et que vous venez de publier un livre qui vous a rendu totalement riche. Alors, après, vous décidez de vous rendre dans le passé pour vous le donner à vous-même. Ok? Vous Ça me plaît bien l'idée. ouais, ça te plaît bien, hein? Vous donnez, donc vous recopiez ce livre. Et donc vous devenez logiquement riche et célèbre. Mais qu'est-ce qui est paradoxal là-dedans? C'est, mais d'où sort le livre si au final vous n'avez fait que le recopier? C'est comme s'il était apparu soudainement et c'est de là que vient le paradoxe de l'écrivain. Voyez? Ouais. Donc pour encore éclaircir le truc, le petit exemple, c'est dans Harry Potter, numéro 3, le prisonnier d'Azkaban. Le héros est sauvé par un sort jeté par un inconnu. Je ne sais pas si vous en rappelez, ou si vous l'avez vu ou lu. Ouais, c'est Ouais. le patronus. Voilà, le Patronus, voilà. Alors, le héros Harry Potter est sauvé. Il retourne alors un peu plus tard avec Hermione à cet instant précis-là. Et il s'aperçoit que c'est lui-même qui se sauve en jetant ce sort. Vous voyez? Et donc là, la situation n'est pas à proprement dit paradoxale. Là, il y a encore de la cohérence. Mais imaginez que il n'arrive pas à se sauver. Vous voyez? Imaginez qu'il n'arrive pas à jeter ce sort. Et c'est là qu'il y a l'incohérence du paradoxe de l'écrivain. Ben, Ouais, c'est chaud. je me suis un peu. Donc en fait, ouais, alors pour vous expliquer, donc Harry Potter, Moi, il. j'ai pas Ah vu le voilà, t'as film, pas vu donc la scène en fait. ouais, non. Donc c'est Harry Potter qui est entouré d'ennemis, de traqueurs, et sur une rive, il voit au loin quelqu'un qui jette un sort et qui fait fuir tous les détraqueurs, ceux qui lui sauvent la vie. Ouais. Okay? Plus tard, il va utiliser avec son ami Hermione une machine pour remonter à cet instant précis-là, pour voir, parce qu'il croit que c'est son père, bon, pour voir qui a jeté ce sort. Ouais. Donc il se retrouve sur la rive et il se voit en train de lutter contre les ennemis. Et là, il se rend compte qu'il n'y a personne qui vient. Donc, il se rend petit à petit compte que c'est lui-même qui s'est sauvé, D'accord, ouais. tu vois, en jetant ce sort. Ouais. Et là, c'est pas paradoxal pour l'instant. S'il jette le sort, c'est pas paradoxal puisque c'est bon. Mais imagine qu'il ne jette pas le sort. Donc il serait pas sauvé, donc il pourrait pas revenir ce. Voilà. Et c'est de là que vient le paradoxe de l'écrivain. D'accord. Voilà. Donc, ces deux paradoxes sont des vues de l'esprit, hein, puisque personne, jusqu'à preuve du contraire, n'a encore voyagé dans le temps. Ce sont deux vues de l'esprit et qui seraient contre le voyage dans le temps. Et pour les résoudre, pour essayer de les résoudre, alors les scientifiques ont pensé à plusieurs solutions, dont celle qui a le plus de suffrage, c'est la solution du multivers. Alors, qu'est-ce qu'un multivers? C'est en fait l'existence d'univers parallèles qui se créent à chaque fois qu'une personne voyage dans le temps, en fait. Ça résoudrait vraiment le problème parce qu'on parle de multivers. Alors, dans ce cas, le voyageur dans le temps, désolé, il retourne, s'il retourne, à chaque fois qu'il retourne dans le passé, ben, en fait, il se retrouve dans un univers qui est parallèle au sien. Vous voyez? C'est-à-dire que Mais toutes les. la théorie des multivers n'est pas spécifique au voyage dans le temps. Ah non, non, elle n'est pas spécifique, mais elle permettrait le voyage dans le temps. Ouais, d'accord. Tu vois? Et donc, le voyageur dans le temps, toutes les conséquences qu'il fait dans son passé à lui, ne sont pas vraiment dans son passé à lui, mais c'est dans le présent d'un univers Dans un des parallèle. présents parallèles, ouais. Voilà, vous voyez? Ouais, c'est pas mal, ouais. Et ça résoudrait vraiment tout. Il y a Et aussi. Oui, vas-y, excuse-moi. vas-y, vas-y. Non, on parle des fois aussi des trous de ver. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, les trous de ver, donc c'est C'est en fait le tissu espace-temps qui se entre deux recourbe coups. sur lui-même et une sorte de tunnel qui joindrait deux extrémités du tissu espace-temps et qui permettrait à quelqu'un de passer très rapidement d'une position du tissu espace-temps qui serait le présent à une position passée à travers un tunnel qui rejoint deux extrémités du tissu espace-temps. Et donc, si ces trous de ver, ces sortes de tunnels qui connectent deux points d'un tissu espace-temps pourraient être créés, on pourrait en théorie aussi remonter dans le temps de cette manière-là. Mais bon, ça cause plein d'autres problèmes après, Oui, des problèmes quantiques, tout ça, quantiques, de il y a des trucs. téléportation ou je ne sais quoi. Mais théoriquement, ce serait aussi une approche de ce. Et donc voilà quoi. Et il faut donc ces paradoxes temporels, il faut essayer de les résoudre. Donc trouver la solution. Donc ça pourrait être le multivers qui permettrait donc ces voyages dans le temps. Et je voudrais finir juste en disant que il y a une phrase très spirituelle. Je crois que c'est Stephen Hawking. Qui l'a sorti une fois et qui a dit que si le voyage dans le temps existait vraiment, on serait envahi par des touristes Ouais. du futur. Ouais, exactement, j'avais entendu ça, Ouais, ouais. et ça j'avais trouvé ça vraiment génial, quoi. Ouais. Et sauf que vu qu'on aurait des avec l'hypothèse du multivers, ça serait possible. les touristes iraient sur d'autres univers parallèles au nôtre. Donc voilà. On serait dans le seul de ces univers parallèles qui n'accueillerait jamais de voyageurs temporels. Voilà, pour l'instant. Ouais. Il y a une autre théorie qui, je ne sais plus de qui elle est, mais qui explique qu'on n'est pas de voyageurs du futur aujourd'hui parce qu'il faudrait qu'on invente un device en fait qui Ouais, permette de une voyager dans le porte, ouais. temps. Tant qu'on l'a pas inventé, exactement, tant qu'on n'a pas cette porte, enfin, on peut pas voyager jusqu'à un point antérieur à l'invention de cette porte. Voilà, c'est genre, c'est le point, la limite à laquelle on pourrait, jusqu'à Exactement. laquelle on pourrait remonter, ouais. Ouais. Mais j'avais vu ça, ouais. Donc voilà, c'est. Mais ces paradoxes-là, enfin, j'avais trouvé ça vraiment fascinant en les étudiant parce que c'était vraiment, il y a des centaines d'années, des milliers d'années que les gens se demandent ce genre de choses et on n'est toujours pas plus avancé, hein. Mais d'ailleurs, à ce propos, j'ai récupéré un article que j'avais lu cet été. D'ailleurs, c'était quand on avait le projet de créer le podcast avec Professeur Fun. On avait fait une ou deux émissions pilotes. Ouais. Et dans une de ces émissions, j'avais parlé en fait, d'un scientifique au MIT qui avait élaboré un modèle qu'on appelle de post-sélection qui pourrait, d'une certaine manière, éliminer les paradoxes temporels. Parce que dans son modèle de post-sélection, qui est visiblement basé sur la mécanique quantique, ce modèle dit que si on reprend par exemple le paradoxe du grand-père, lorsque nous on remonte dans le temps pour tuer notre grand-père, au moment où on va le tuer, il y a comme tout des. C'est comme si tout l'univers se conjurait pour qu'on ne puisse pas le tuer. Donc si par exemple on a un pistolet, on veut lui tirer Ouais. dessus, là le pistolet il est enrayé, donc voilà, on tire à côté. Ou pour une raison ou une autre, on n'arriverait pas à le tuer. Donc il y a visiblement une sorte de théorie basée sur la mécanique quantique qui essayerait d'expliquer que finalement on n'arriverait pas à créer un paradoxe. Oui, que l'univers se liguerait Se liguerait contre tout paradoxe potentiel. ouais, pour être ouais, ça c'est une des théories possibles. Et moi j'en avais lu une autre, je crois que c'était Brian Greene dans The Fabric of the Magie du Cosmos. cosmos, la Ouais. magie du cosmos, La magie du cosmos en français. ouais. Ouais, je crois, Je ouais. suis plus trop sûr de mon coup maintenant, parce que ça fait un moment que je l'avais lu, mais enfin lui, il présentait la chose d'une certaine manière. Donc quand tu as dit tout à l'heure que le temps, c'était une succession de tous les événements qui se passent à un moment précis dans les trois dimensions de l'espace, lui, ce qu'il avait tendance à dire, c'est qu'on pourrait, si on voulait, numéroter ces moments dans l'espace. Et puis quand on voyage dans le temps, tout ce qu'on fait, c'est mélanger les cartes, quoi. C'est inverser l'ordre naturel dans lequel les événements se déroulent. Mais les événements eux-mêmes seraient toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Si, prenons l'exemple de Harry Potter. S'il se trouve de l'autre côté du lac en train de lancer son Patronus, c'est Ouais. que il s'est toujours trouvé de l'autre côté du lac en train de lancer son Patronus. C'est une image, c'est un événement qu'on ne peut pas changer. On peut en modifier l'ordre, on peut faire en sorte qu'il apparaisse avant ou après un autre événement, mais l'événement lui-même, on peut pas le modifier. C'est comme si on découpait finalement les images d'un film et puis qu'on les montait dans un autre sens. Chaque image du film serait toujours la même, même si on ne la regarde pas dans l'ordre. Ouais, Tu vois? on serait dans une unique trame temporelle. Exactement, Ouais. exactement. Enfin, moi, ça m'a beaucoup soulagé de lire ce truc. J'ai tout à coup été moins obsédé avec ces histoires de paradoxes temporels. Ça m'a paru parfaitement Ouais, mais plausible, puis j'y adhère totalement. ben, le ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça serait une belle façon de le faire. Bon, bah, tu nous as concocté Ouais. un sujet bien geek. Ouais, Ouais, ça, celui-là, ben, c'était. on peut en discuter des heures, mais. Voilà, c'est le sujet. Enfin, j'ai trouvé ça un sujet un peu léger, pas très scientifique, mais en fait, c'est quand même sur des discussions entre amis comme Ah ça. non, mais la C'est vrai. science se penche sur ces paradoxes temporels depuis longtemps. Oui, Moi, je suis c'est pas sûr. mal de choses dans ce sens-là parce que ça m'intéresse. Et non, ça, il y a des gros débats là autour. Hein, et les Ouais, c'est scientifiques sûr. se creusent le cerveau pour essayer de trouver C'est des modèles ou des sûr. réponses plausibles, on va dire. Donc, merci, merci Antoine. Ouais, sympa. Ah, de rien, de rien. Okay. Professeur Fon, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Ouais, alors moi je vais redescendre sur Terre pour changer. J'ai l'impression que c'est toujours moi qui redescends tout le monde sur Terre là. Sujet scientifique, enfin même si pas, ouais, c'est un peu à la limite quoi. C'est vrai qu'on fait léger aujourd'hui, hein. On n'est pas dans les sciences dures. Moi je vais vous parler de l'effet placebo. Donc, bon, l'effet placebo, on va commencer par une petite définition, comme toujours. Qu'est-ce que c'est? Bah, ce qu'on appelle un placebo, en gros, c'est soit un faux médicament, donc une substance, un médicament sans substance active particulière, comme un morceau de sucre ou un comprimé de farine, ou alors une intervention médicale simulée, par exemple un simulacre d'intervention chirurgicale ou un traitement par radiation ou enfin voilà toutes ces choses de marabout. Et si le patient qui a reçu un de ces traitements simulés ou qui a avalé un comprimé de farine se sent mieux après l'avoir reçu, alors on parle d'effet placebo. Donc le placebo, tout le monde le sait, agit sur des signes, enfin non seulement sur des signes subjectifs, comme la douleur, l'anxiété, la dépression, etc. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que ça agit aussi sur des signes objectivement mesurables, donc soit des signes biologiques comme des diminutions d'œdème, diminution d'acidité gastrique, du taux de cholestérol, du nombre de globules rouges par exemple, ou alors sur des signes cliniques comme la fréquence cardiaque ou la pression artérielle. Le champ du placebo en fait est assez vaste, hein. Du traitement de la douleur à celui de la dépression. Si on présente un placebo comme un relaxant musculaire, alors les muscles vont se relâcher. Mais le même placebo, avec la description contraire, pourra tendre le muscle. Un café décaféiné peut réveiller, si on ne sait pas qu'il est décaféiné. Et puis, bah, il y a des placebos d'alcool qui vous permettent de vous saouler à bon marché, ou des placebos d'allergènes qui provoquent des réactions allergiques. Il y a même des placebos contre le mal de mer. Bien, un truc assez marrant, en fait, c'est que plus le placebo est cher, et plus il est efficace. Les injections, enfin les placebos injectés sont plus efficaces que les comprimés. On sait aussi que les capsules marchent mieux que les tablettes. C'est incroyable ça. C'est fou, hein? Eh bien. Attends, professeur Fan, juste pour savoir, quand tu parles de placebo, est-ce que le sujet sait que c'est un placebo? Alors, ça, je vais y venir après. Là, Ah, d'accord, ok. dans tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, en fait, le sujet ne le sait pas. Ok. Il ne sait pas que c'est un placebo. Un des trucs que je trouve assez marrant aussi, c'est que les capsules aux couleurs chaudes fonctionnent mieux comme stimulants, alors que celles aux couleurs froides font de meilleurs calmants. Et puis bon, dans tous les cas, ce qui semble être déterminant pour que ça marche, c'est le niveau de confiance, c'est la relation soignant-soigné, niveau de confiance qui est accordé au thérapeute, pour que cette magie puisse avoir lieu. Alors si on fait un petit peu d'histoire. Peu d'étymologie d'abord. Placebo, ça veut dire je plairai en latin, placebo. Et la première mention du terme remonte à une traduction de la Bible en latin par un certain Jérôme de Stridon, ou Saint Jérôme, qui a vécu au 5e siècle. Donc le concept n'est pas nouveau, nouveau, quoi. Mais le terme apparaît dans son sens médical à partir de 1785 dans des publications américaines. Et puis, c'est au courant du siècle passé que les scientifiques ont commencé à véritablement s'intéresser au phénomène d'un point de vue scientifique. Ça a commencé avec une étude publiée en 1955 dans le Journal of American Medical Association par Henry Beecher de l'université Harvard, qui indiquait que chez 35% de ces patients, la douleur était soulagée par la prise d'un comprimé de sucre ou une injection de sérum physiologique. Et puis, donc son étude portait sur des douleurs post-opératoires, quoi, pas sur le petit mal de crâne qu'on peut tous avoir, hein, et qui passe comme de rien. Donc, comment ça marche en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet effet placebo? Si on prend l'exemple de la douleur, c'est un des exemples, un des cas qui est le mieux étudié. Quand on parle d'analgésique, c'est-à-dire de substances capables de supprimer la douleur, ce qu'il faut comprendre, c'est que les substances n'agissent jamais sur la cause de la douleur. Si on se casse une jambe et qu'on prend de la morphine n'aura pas d'effet sur la jambe directement. La morphine, elle agit au niveau du cerveau. Elle bloque les circuits de la douleur. C'est comme si elle coupait le câble qui véhicule le message qui dit attention mon gars, oublie pas que ta jambe est cassée, arrête de poser ton poids dessus et appelle l'ambulance. C'est à ça que ça sert finalement la douleur. Et à l'université de Turin, Fabrizio Benedetti a montré que l'analgésie obtenue avec un placebo peut être supprimée si on administre au patient de la naloxone. C'est une substance qui bloque les récepteurs cérébraux de la morphine. Et donc également des opiacés naturels produits par l'organisme. Donc en d'autres termes, on peut bloquer de manière mécanique l'effet analgésique du placebo exactement comme on peut bloquer de manière mécanique l'effet analgésique de la morphine. Donc le placebo agit véritablement au niveau des circuits neurologiques de la douleur. Ça aujourd'hui c'est démontré. Pour ceux qui ont besoin de voir pour croire, en fait en 2005, une étude scandinave qui a été réalisée à l'aide d'un scanner tomographique à positron, ce qu'on appelle un PET scan, qui permet de voir, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, du PET scan, ça permet de voir l'activité cérébrale en live dans le cerveau. Ce PET scan a montré que le placebo antidouleur active exactement les mêmes zones cérébrales que celles qui sont stimulées par l'analgésie par les opiacés. Donc CQFD, en fait, dans 35% des cas, le cerveau humain, c'est cette espèce de merveille de la nature encore, hein, encore bien mal comprise, est capable de déclencher un effet analgésique comparable à celui des drogues les plus puissantes. Et ça, absolument sans aucun effet secondaire. D'ailleurs, c'est exactement au même mécanisme qu'on fait appel quand on utilise l'hypnose comme technique d'anesthésie, par exemple. Et bon, l'hypnose, c'est encore un autre sujet qui pourrait faire l'objet d'un dossier à lui tout seul. Puis, donc ça, c'était pour le champ de la douleur. L'effet placebo est un peu moins bien étudié, mais on commence quand même à comprendre les mécanismes dans d'autres champs. C'est souvent les récepteurs de la dopamine, en fait, qui sont impliqués au niveau du cerveau. On sait qu'il y a un effet observé sur la maladie de Parkinson, du placebo, dont on sait qu'il est en rapport avec ces fameux récepteurs de dopamine. On sait que les placebos avec un effet antidépresseur agissent aussi sur les mêmes zones du cerveau que les antidépresseurs pharmaceutiques. Il y a une petite subtilité, c'est que les antidépresseurs placebo ont une action sur le cortex préfrontal. Également. Donc apparemment, ils seraient plus efficaces que les antidépresseurs des groupes pharmaceutiques. C'est peut-être une action que les géants de la pharma devraient étudier si c'est pas encore fait. Et puis, la caféine placebo augmente la libération bilatérale de dopamine dans le thalamus. Donc on sait que c'est toujours par là que ça se situe, quoi. C'est au niveau des circuits dopaminergiques, donc qu'on appelle aussi circuit de la récompense. Donc voilà, intéressant à ce niveau-là. Moi, je m'étais posé une question, c'était sur l'homéopathie. Et puis au risque de décevoir ses fans, je dois faire une révélation. L'homéopathie est en contradiction totale avec les principes fondamentaux de la chimie et de la physique contemporaine. Et puis la communauté scientifique considère que l'homéopathie n'est en fait qu'une manifestation de l'effet placebo. D'ailleurs, à ce jour, aucune étude clinique, n'a pu démontrer la supériorité de l'homéopathie par rapport au placebo. Donc ça ne veut pas dire que l'homéopathie ne marche pas, ça marche, mais dans 35% des cas, ça marche exactement comme si on donne des comprimés de farine, quoi, comme le placebo. C'est beau. Alors bon, moi j'ai une petite anecdote. En fait, moi je me sers personnellement de l'homéopathie comme déclencheur du placebo. Je ne suis pas encore assez zen pour maîtriser le processus juste par la concentration, spécialement quand j'ai un rhume, ce qui me rend grincheux, ça m'empêche de me concentrer. Mais dans mon cas, ça marche, quoi. Je dois être dans les 35% de Bitcher. Les petites granules de sucre à 7 francs enclenchent le processus. Mais donc là, tu sais que tu prends un placebo. C'est ce que posait Ouais. la question que posait Antoine avant. Oui. Exactement. Ouais. Ça marche quand même. Exactement, bah ça marche quand même. Moi, j'ai longtemps pensé que j'avais un peu trop d'imagination, mais en fait, non, la science vient de confirmer que je suis pas le seul dans mon cas. Il y a une étude qui a été publiée le 22 décembre dernier, donc c'est vraiment tout frais, qui confirme que l'effet placebo peut être efficace même lorsque les sujets savent a priori qu'il s'agit d'un placebo. Donc qu'on leur administre un médicament sans substance active. Épatant, Ouais. En fait, toi, t'es vraiment dans la tranche réceptive totalement au placebo. Ouais, exactement. Et puis donc je sais que j'ai pas besoin de substances actives pour guérir, mais en même temps j'ai pas les moyens tout seul sans cette espèce de support de déclencher le processus de guérison. Ouais, je trouve ça épatant. Mais enfin pour ça c'est les côtés positifs du placebo. Donc cette possibilité de déclencher cette phénoménale puissance réparatrice du cerveau humain. Le problème, c'est que le placebo, donc c'est un terme positif, je plairais, a également son pendant négatif, qu'on appelle le nocebo, Nocebo. exactement, du latin nocebo, je nuirais, donc c'est exactement le contraire. qui utilisent les mêmes mécanismes. Donc le nocebo peut faire beaucoup de mal, il peut même conduire jusqu'à la mort. Et c'était pas rare dans les sociétés traditionnelles que la malédiction d'un sorcier finisse par se réaliser, quoi. Alors bon, j'ai pas poussé le dossier plus loin, je ne veux pas développer davantage, mais on pourrait imaginer un autre dossier spécifiquement dédié au nocebo et au chamanisme. Je pense que ça peut être pas mal. Mais Puis en donc ça attendant, bah... consiste à dire, voilà, on donne un produit à quelqu'un en lui faisant croire que ça va le nuire finalement, et Ouais. ça va le nuire effectivement, c'est ça? Exactement, exactement. Par exemple, on peut lui donner une gélule et lui dire c'est du poison. Absolument. Et puis dans certains cas, si la personne croit véritablement que c'est du poison, bah ça peut marcher. D'accord. D'accord. Ok. Alors voilà, bah moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si ce n'est encore signalé que le sujet a inspiré notre amie Lucille, et donc je vous invite à vous précipiter sur le site pour découvrir son illustration que je trouve absolument géniale, où des M&M's en perte de sens de la vie décident de se recycler en placebo pour servir à quelque chose. C'est super bien fait, c'est vraiment excellent. Tu m'étonnes. Mais j'aurais une question. Au début, tu as parlé de l'effet placebo et des formes et tout ça. En fait, c'est les formes, c'est le conditionnement, c'est le prix qui font l'effet placebo, enfin qui permettent l'effet placebo, c'est ça? Pas nécessairement, mais ça a eu une incidence sur l'efficacité du placebo. Ok. Par exemple, toi, on pourrait te donner des pâtes. Tu vois, des pâtes genre carbonara et te dire que que ça va te guérir Ouais. du rhume, ça pourrait marcher. Ouais, je suis pas sûr. Apparemment, il y a une dimension de conditionnement. Je pense quand même Voilà, que c'est d'accord. les petites granules miracles, j'ai dû y croire à un moment. Peut-être sous forme de pilule, c'est plus crédible que sous forme Ouais, de c'est ça. spaghetti carbonara, je sais pas. Exactement. Voilà, j'ai Encore pris mon que exemple extrême, ça peut mais. guérir de plein de maux, probablement. Les vertus thérapeutiques cachées du spaghetti carbonara. Mais ouais, juste aussi un autre truc. C'est-à-dire qu'on vend des placebos, Bah ouais. le prix de choses qui ont un principe actif à l'intérieur, en fait. Alors je sais pas si le prix est comparable en fait, j'ai pas poussé l'enquête jusque-là. Bah, faudrait se renseigner. Ouais, mais bon, puisqu'on sait que le prix est déterminant dans l'effet perçu du médicament, je pense qu'effectivement on a intérêt à ce qu'il soit relativement cher Ouais, si on je veut pense plus il qu'il est se soit cher, plus les primé. gens doivent penser qu'il est efficace. Hein. Exactement, ouais. Ouais, Mais c'est bon, tout bénef, en fait. ça me fascine cette histoire parce qu'on sait que l'homéopathie c'est un placebo, puis pourtant je crois qu'en France la Sécu le rembourse. Et puis en Oui. Suisse, on a arrêté de le rembourser il y a quelques années, mais j'ai lu aujourd'hui par hasard que ça allait être re-remboursé à partir de l'année prochaine. Et ouais, je me demande si ça n'a pas un effet, enfin s'il n'y a pas une dimension sociale aussi là derrière. Finalement, les gens se font pas de mal avec le placebo et il soulage peut-être la Sécu ou notre équivalent en Suisse, la malle de frais qui pourraient être beaucoup plus importants. Ouais, j'ai assez envie de creuser un peu en fait sur Ouais. ce sujet. Je vais me documenter encore un peu, je reviendrai peut-être avec un approfondissement. Il faudrait qu'on Ah, pas de invite un problème. pharmacologue un peu pour. Ah ouais, alors ça effectivement, ça pourrait être intéressant, t'as raison. On va se mettre en chasse. Ouais. Ben, on peut faire un appel, hein. Donc, tout pharmacologue, tout pharmacien, tout n'importe, venez nous parler de l'effet placebo, hein. Ça nous intéresse. Et de l'homéopathie en particulier. Oui, et l'homéopathie. Parfait, Voilà. parfait. Ok, Mathieu, toi tu vas nous parler de quoi? Alors, je vais vous parler d'une loi qui s'appelle la loi de Benford. Est-ce que vous en avez entendu parler déjà? Un Ouais, tout un petit peu, peu. ouais. Un Ouais. petit peu, Je mais voulais faire une expérience avec vous, mais si vous connaissez la loi, ça perd un peu de son intérêt. Alors, Vas-y, je la connais pas suffisamment, tu peux y aller. bon, allez, je la fais quand même pour les auditeurs. Donc, Oui, vas-y. Bon, vous êtes d'accord qu'on est entouré quotidiennement de nombres, c'est-à-dire qu'on lit le journal, on voit des nombres, au travail, on voit des nombres partout, on va dans un magasin, on voit des prix, on paye des factures, donc on voit des nombres partout. Et l'expérience, ça consiste, essayez de me dire, de tous les nombres que vous voyez quotidiennement, essayez de vous les représenter, si ces nombres ont plutôt tendance par commencer par le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Quel est le premier chiffre de tous ces nombres qui apparaît le plus fréquemment, selon vous? Ah là, il faudrait ne pas connaître la loi de Ouais. Benford-Goodman pour pouvoir répondre naïvement. Bon, alors ne donnez pas la réponse, D'accord. on laisse les Ouais. auditeurs réfléchir. Et donc ils vont tout de suite savoir la réponse, en fait. Donc en fait, cette loi de Benford, pardon, on l'appelle également la loi des nombres anormaux. Donc c'est pas proprement parler une loi, mais plutôt une observation empirique qui se rencontre dans certains cas de figure et sur des ensembles de données bien particuliers. En fait, la loi de Benford dit la chose suivante, que les nombres dans la vie réelle ont l'habitude de commencer plus fréquemment par le chiffre 1. Autrement dit autrement que tous les nombres, que de tous les nombres infiniment possibles, ceux qui commencent par 1 sont plus fréquents ou probables que les autres. Donc si on prend une liste de données statistiques, cette loi énonce que le premier chiffre, donc non nul, on écarte les zéros, le premier chiffre le plus fréquent est le 1, pour près de 30%. Puis le 2, à hauteur de 17,6%, est lui-même plus fréquent que le 3, qui apparaît dans 12,5% des cas. Et la probabilité d'avoir un 9 comme premier chiffre significatif n'est que de 4,6%. Donc en fait, de tous les nombres qui nous entourent, il y a plus de nombres qui commencent par le chiffre 1 que par le chiffre 2, et plus qui commencent par le chiffre 2 que 3, et ainsi de suite jusqu'à 9. Alors, en fait, cette distribution, elle a été observée pour la première fois en 1881 par un astronome américain qui s'appelait Simon Newcomb. Il s'appelait pas Benford. Alors justement, ça, tu vas voir. Donc en fait, cet astronome s'est aperçu d'une usure préférentielle des premières pages sur les dernières pages d'un ouvrage référençant ce qu'on appelle des tables logarithmiques. Donc en fait, à l'époque, on utilisait des tables logarithmiques pour effectuer toutes sortes de calculs. Et ces tables logarithmiques étaient référencées dans des ouvrages. Et lorsqu'il réalisa que les premières pages, donc les premières tables, étaient plus utilisées que les autres, il en a déduit que ses collègues de l'université réalisaient des calculs avec des nombres commençant par des chiffres bas, de façon beaucoup plus fréquente. Et en fait, cette découverte, elle est passée complètement inaperçue durant près de 57 ans. Et c'est là où on constate qu'une autre loi, la loi de Stigler, est aussi vérifiée. Vous connaissez la loi de Stigler? Jamais Ah entendu non. parler. La loi de Stigler, c'est une loi selon laquelle une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. Excellent, Et ouais. donc justement, elle ne porte pas le nom de Simon Newcomb, elle porte le nom de Frank Benford, qui était ingénieur chez General Electric, qui aux alentours de 1938 remarqua à son tour cette usure inégale des pages de certains ouvrages. Elle constate qu'il arrive au même résultat après avoir répertorié des dizaines de milliers de données de notre vie quotidienne. Donc, il constate que par exemple, si on mesure la longueur des fleuves, la longueur des fleuves ont plus tendance, plus fréquemment commence par 1, par le chiffre 1. Aussi, si on regarde les nombres d'habitants ou les indices de population, c'est plutôt des nombres qui commencent par 1, ensuite 2, 3, et ainsi de suite. Le numéro des adresses des personnes a aussi tendance plus fréquemment de commencer par 1, les taux de mortalité, les listes de prix, les listes de factures, on voit aussi dans les cours de la bourse, on voit que dans les statistiques de la Ligue américaine de baseball, c'est plutôt aussi des nombres qui commencent par le chiffre 1 le plus fréquemment, les scores de tournois des tournois de tennis, les nombres apparaissant dans les articles d'une revue, les nombres premiers aussi commencent plus fréquemment par 1, et les constantes physiques et mathématiques aussi. Et en fait, on utilise aussi plus pratiquement cette loi de Benford dans un domaine assez particulier, parce qu'en fait, certains pays l'utilisent pour détecter des fraudes fiscales. Alors, ce qui se passe, c'est que dans l'ensemble des données retournées par une déclaration fiscale, si les fréquences d'apparition et ratio des nombres et montants déclarés suivent une loi de Benford, la déclaration est probablement honnête. Mais si les montants sont choisis et remplis au hasard, une analyse statistique montrera une distribution différente à celle de Benford, et il y aura donc un risque de fraude. Et généralement, dans ces cas-là, les premiers chiffres significatifs sont le 5 et le 6 qui prédominent nettement dans les données falsifiées. Donc on voit qu'il y a un 40% de 5 qui apparaît et un 20% de nombres qui commencent par 6 qui apparaissent. D'accord. Je sais qu'aux États-Unis, en France aussi, en tout cas, ils utilisaient ça. Je ne sais pas s'ils l'utilisent toujours, mais ça a été utilisé en tout cas. Bon, je pense que maintenant avec Les traitements informatiques, une petite vérification de la loi de Benford, ça ne doit pas prendre très Non, longtemps. ça doit pas prendre très. Ouais, ça va être vite fait. Hein. Donc, Donc, voilà quoi. bon, alors conseil à tous nos auditeurs, si vous voulez frauder le fisc, foutez des 1 partout. Voilà. Des 1, après un peu des 2 et des 3, et très peu Ouais. de 9, très peu de 9 surtout. Voilà, pas beaucoup de neuf. Ouais. Et donc, plus généralement, on explique un peu le pourquoi de cette loi. Il s'agit en fait d'une loi logarithmique qui exprime la probabilité que le premier chiffre d'un nombre soit le chiffre x. Autrement dit, qui permet de calculer la probabilité qu'un nombre commence par un chiffre déterminé. Donc on voit que la formule qu'on utilise pour cette loi, elle peut s'étendre pour calculer la probabilité qu'un nombre commence par une séquence concrète de chiffres aussi, pas seulement le premier chiffre. C'est-à-dire, par exemple, par extension, la probabilité qu'un nombre commence par 79, donc 7 et 9, d'accord, par une séquence de chiffres. Et si on prend ce cas particulier, par exemple, la probabilité qu'un nombre commence par 79, elle est de 0,055%, donc elle est faible. Et les cas de figure qui fonctionnent démontrent aussi une invariance d'échelle, c'est-à-dire on s'est rendu compte que dans un ensemble de valeurs boursières ou de devises, on voit que la loi de Benford est indépendante du type de monnaie dans laquelle on exprime ces valeurs boursières. Donc qu'on exprime en dollars, en euros, en yens, les valeurs boursières suivent cette tendance de loi de Benford, d'une manière indépendante de la monnaie. Alors, il y a une explication formelle mathématique qui semble très compliquée, qui a été établie par un mathématicien qui s'appelle Ted Hill en 1995, et qui démontre l'énoncé, donc vraiment l'énoncé émis par la loi de Benford. Mais il y a une explication beaucoup plus simple, que tout le monde peut comprendre. Est-ce que vous avez une idée pourquoi les 1 apparaissent plus fréquemment que les 2, et les 2 plus fréquemment que les 3 et tout ça? Finalement, l'explication, elle est assez simple. Alors là, aucune idée, hein. Ouais, comme ça, il faudrait que j'y réfléchisse un moment, mais je pense que ça viendrait Alors, en pas quand fait, même. ça consiste à considérer qu'on commence toujours à compter à partir de 1. Donc, on commence Ouais. à 1, 2, 3, jusqu'à 9. Instant auquel chaque chiffre, quand on arrive à 9, si on a 9 chiffres, chaque chiffre possède la même probabilité. Mais de 10 à 19, le premier chiffre est toujours 1. Ouais, Et c'est c'est vrai. seulement quand on arrive à 99 que tous les chiffres acquerront à nouveau la même probabilité d'apparition. Donc, vu qu'on commence à compter, on calcule en base 10, et qu'on commence à compter à partir de 1 et à partir de 10 jusqu'à 19, c'est des 1 et de 100 à 200, ben la probabilité des 1 est forcément plus fréquente que le 2, et le 2 que le 3. D'accord. Vous suivez là? Ouais? Oh ouais. Non, pas complètement. Je Pas suis complètement. pour le 1 en fait, mais pour le 2. Ben pour le 2, c'est le même principe. Attends. Ça commence à 2. En fait, Ouais. quand tu arrives à 19, donc là, il y a 10 chiffres qui commencent par 1, plus le 1, donc ça fait 11 chiffres. Puis après, donc tu arrives à 19. Après, tu passes à 20. Donc de 20 à 29, ce sera tous des chiffres qui commenceront par 2. Donc là, le 2, il est forcément plus fréquent que l'apparition que le 3. Parce qu'on n'est pas encore À arrivé ce à stade, 30. tant que... ouais, quand on est à Ouais. 29, ouais. On est à 29 parce qu'on n'est pas encore arrivé à 30. Donc quand on comptabilise des nombres dans la nature pour les comptabiliser, pour les ordrer, pour avoir des références. Ben, on compte, mais on compte jusqu'à un certain point. Peut-être qu'on compte jusqu'à 38. Peut-être qu'on n'arrive pas à 40 parce que voilà, l'étude qu'on fait ne nous amène pas à compter aussi loin. Donc le 4 ne va pas apparaître comme premier chiffre. On aura le 1, le 2 et le 3. Ouais, je sais pas, il me semble qu'il manque un truc dans l'explication là. Ça m'explique pas encore pourquoi on arrive dans des proportions pareilles à des 1, quelle que soit l'échelle, quoi. C'est cette notion d'invariance d'échelle en fait qui me perturbe. Bon, après On parle l'invariance. de la longueur d'un fleuve ou d'autres choses, ça commence toujours par un, Bon, c'est quand même vachement bizarre. c'est vrai que dans le cas de la longueur d'un fleuve. Ouais, mais bon, on compte aussi en base 10 la longueur Ouais, d'un bien fleuve. sûr. Donc, on aura peut-être. Bon, c'est vrai que la longueur des fleuves, ça peut être un peu moins intuitif. Mais. Bon, on va continuer, on va voir si Si ça ça se s'éclaire un petit débloque. peu plus. Ouais, vas-y, vas-y. D'accord. Donc en fait, bon, on voit que cette loi, forcément, elle a des limites aussi, hein. Elle s'applique très bien pour des données en relation avec le monde naturel et socio-économique et aux nombres qu'on utilise dans notre quotidien. Mais cette loi n'est par contre pas du tout vérifiée si la série de données comporte des contraintes quant à l'échelle des valeurs vraisemblables. Par exemple, la taille des individus, lorsqu'elle est exprimée dans le système métrique, ne suit pas du tout la loi de Benford, puisque la quasi totalité des mesures commence par leur chiffre 1. On mesure tous 1 mètre et quelque chose. Donc là, le 1, il a 90 ou 90%, voire plus de probabilité d'apparaître. Donc dans ce cas-là, évidemment, la loi de Belfort n'est pas appliquée. Mais on peut se poser la question, est-ce que la loi de Benford peut-elle m'aider à prévoir les résultats d'une loterie? Parce que si on se dit, ok, le chiffre 1 semble apparaître plus, ou les nombres commençant par le chiffre 1 semblent apparaître plus souvent que les autres, ben voilà, je vais parier sur les nombres qui commencent par 1. Alors malheureusement, ouais, c'est pas le cas. Ça vérifie. Ah ouais. Là, il y a le hasard. Alors justement, c'est pas le cas parce que, à la différence des nombres réels et naturels, qui sont finalement suggérés par les humains, parce que nous, quand on met par exemple le prix sur un produit, c'est nous qui décidons s'il vaut 10 francs ou 10 euros ou 20 euros. Là, les numéros mis en jeu dans les tirages de loterie ne sont pas des numéros issus du monde naturel ou réel. Le résultat est arbitraire et équiprobable. Les balles numérotées sont choisies arbitrairement. Elles ne sont pas choisies en fonction d'une séquence numérisée. Ou plutôt, ou expliqué différemment, on n'effectue pas une loterie sur un ensemble de nombres qui suivent la distribution de Benford, mais sur un ensemble de nombres qui suivent une distribution uniforme. C'est-à-dire que si on faisait une loterie, si on prenait tous ces nombres qu'on voit au quotidien qui suivent la loi de Benford, et on fait une loterie sur tout cet ensemble de nombres, oui, on aurait une probabilité de gagner plus souvent si on parie sur des nombres qui commencent par 1. Ah, mais sans venir là, on peut aussi imaginer le fait que ce soit quelqu'un qui choisisse les nombres. Alors voilà, si on choisit le nombre aussi, on peut. Je veux dire que, par exemple, si il choisit les boules qu'il veut, les balles qu'il veut, et en fait, il y aura plus de chances que ce soit des 1 et des 1, et après des 2 et après des 3, c'est ça? Alors ça, je suis pas sûr. Ça dépend parce qu'on a vu avec la fraude fiscale que si la personne qui fait sa déclaration s'invente des nombres, elle a plutôt tendance d'aller vers le 5 et le 6. Donc, je ne sais pas si dans le cas d'une loterie, si on triche, si la tricherie s'appliquera sur une loi de Benford ou pas, ça, je ne suis pas sûr, alors. D'accord. Mais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans une loterie, on n'applique pas une loterie à une série de nombres qui est distribuée selon une loi de Benford. On applique une loterie sur une série de nombres qui sont distribués uniformément, en fait. Professeur Fan, est-ce que tu es un peu plus éclairé? Ouais, j'ai toujours de la peine avec les fleuves en fait. Je fais mon petit blocage là-dessus. Je fais mon petit blocage là-dessus parce que la dimension intrinsèque des fleuves, elle est totalement arbitraire. C'est pas un truc. Elle est arbitraire, mais elle est comptabilisée dans. Mais elle est comptabilisée en base 10, ok, base 10. Mais il y a. Ouais. Mais je vois pas quelle raison. Ah, tu vois quelque chose, toi. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais l'impression que c'était pas une loi purement mathématique aussi. J'ai cru avoir vu ça quelque part, mais j'en suis plus sûr parce que depuis tout à l'heure, j'essaye. Mais... Comme j'ai dit au début, on considère plutôt ça comme une observation empirique. Donc, c'est pas à proprement parler une loi, mais il y a quand même un mathématicien en 95 qui a essayé de démontrer d'une manière visiblement très compliquée mathématiquement l'énoncé de cette loi, que comme quoi dans la nature les nombres ont plutôt tendance à commencer par 1 et après 2. Donc il y a quand même une démonstration mathématique qui est établie. Donc au départ c'était une observation empirique. Il y a une quinzaine d'années, une démonstration mathématique a été faite. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point elle a été vraiment validée, cette démonstration. On n'en parlait pas beaucoup dans les documents que j'ai lus pour faire le dossier non plus. Donc je pense que, il y a encore, c'est vrai que c'est surtout encore considéré, je pense, comme une observation plus qu'une... Et le truc, c'est que, j'arrive, là depuis tout à l'heure, j'essaye de googler le truc, mais j'arrive pas à retrouver un article que j'avais lu où on retrouvait la loi de Benford dans des phénomènes naturels. Alors on la retrouve, dans les longueurs du fleuve, par exemple, qu'on a dit. Oui, voilà. Alors c'est vrai que c'est plus surprenant que, par exemple, dans une liste de prix, parce que c'est vrai. Voilà, c'est parce que là, il y a aucune action de l'être humain. Ou même dans un taux de mortalité, ça peut aussi paraître surprenant, a priori. Mais voilà, savoir que la loi de Benford est peut-être applicable à des phénomènes naturels, ça pourrait aider le professeur Fon à digérer le truc. Justement, c'est ce qui lui cause un problème, non? C'est ça qui. Mais je vais continuer de me documenter de mon côté. Mais t'as dit dans les taux de mortalité aussi? Ouais, aussi dans les taux de mortalité, dans les indices de population des villes aussi. D'accord. Et taux de mortalité, ça se manifeste comment? C'est quoi ta Bah écoute, N pour. dans la tranche d'âge, par exemple pour la mortalité infantile, j'imagine, hein, la mortalité infantile, ben, quand on fait par pays ou par Ah, région le taux de d'accord. Ok. mortalité, on se rend compte que ça suit une loi de Bedford. Donc il y a plutôt des taux de mortalité, des nombres qui commencent par 1, après un peu moins de 2, un peu moins de 3 et très peu de 9. Ok. Mais c'est vrai que pour en revenir à la longueur des fleuves, tout ça, ça reste, je pense, à ce niveau-là. Une observation plus qu'une loi à proprement parler. Ouais, Une observation, ça. une coïncidence ou une observation, bon, ben, mais. Ça m'intrigue. Tu m'as titillé. Je vais creuser là. Là, on t'a donné du, hein, Ouais, je sens qu'on de quoi aura un petit creuser. retour sur les lois de Benford et les fleuves la semaine prochaine. Si je comprends, voilà, je l'affirmerai haut et fort. Et puis si je comprends toujours pas, je te poserai peut-être encore des questions. D'accord. Mais ça me plaît bien. Sujet sympa aussi. Ouais, les trucs bizarres qu'on trouve dans la vie quotidienne. Ouais. Là où on s'y attend absolument pas. Ouais, tu m'étonnes. Bon, on arrive gentiment au bout de l'émission. Là, on a traité nos trois dossiers. Qu'est-ce qui nous manque? Ah, La attends, côte. ouais, la côte, quoi. La côte. La côte, oui. Là, je Alors, vais être enfin être présent pour cette fameuse côte. Ah, dis-moi. vu qu'on a parlé de loterie, avec la loi de Benford, c'est une côte qui est liée à la loterie. Alors, je vais la dire en anglais. Elle est un peu difficile à traduire, je pense. Mais donc, on va voir si Professeur Font arrive à nous la traduire sans trop de problèmes. On va Alors, essayer. je vais y aller lentement. Non, pardon, je recommence. I think of lotteries as a tax on the mathematically challenged. Ouais, je suppose que je considère la loterie comme une taxe sur ceux qui ont de la peine avec les maths, c'est ça? Voilà, exactement. Ou plutôt un impôt volontaire pour Ouais. celui qui a un peu de la peine avec les mathématiques. Ouais, c'est pas mal. Il m'a fallu un petit moment pour décoder en fait. Mais ça me plaît beaucoup. Elle est vraiment sympa. C'est de qui? Alors, c'est de Roger Jones. Si je me trompe pas, c'est un mathématicien aussi. Ouais, un mathématicien américain. D'accord. Ouais, j'adore. Mais c'est vrai en Ouais, fait. Quand t'as aucune notion de maths, tu vois juste la chance que t'as de ouais. gagner à la loterie. Puis il suffit que t'aies quelques vagues notions, puis tu te rends compte que t'as surtout des millions de chances de perdre. Ouais, finalement, tout le monde aussi se plaint de payer trop d'impôts, puis en jouant à la loterie, tous ceux qui perdent, ils payent des impôts. Ouais, non, Hein. ça me plaît beaucoup, ça, j'adore. Elle est vraiment sympa C'est celle-là. cool, Je vais la ressortir. ouais. Ok. Bon, bah Top. parfait, on a fait le tour, non? Ouais, Ouais. excellent. On est Je vois, bon. on a de nouveau un petit peu débordé, mais enfin, c'est pas grave. Je suppose. Les gens aiment bien quand on déborde, non? Oh oui, je Ouais. pense. Ouais. Je pense. Bah, c'était bien cool, beaucoup de plaisir, une fois encore, à faire tout ça avec vous. Puis c'était chouette qu'on soit là les trois cette fois, nickel. Ouais, cette fois, ouais. Ouais, ça faisait Les cool. quatre, même avec Lucille qui a fait une illustration en plus. Ouais, là on est L'équipe au bon. grand complet. Équipe au grand complet. Alors, Nickel. ben, bonne fin de semaine à vous deux. Bonne fin Ouais, de puis on se semaine retrouve la semaine à nos prochaine. auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, à tout bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.